Dixième chapitre. Le retour des Islandais. Tandis que je naviguais sur mon canot dans le golfe du Morbihan, mon matelot se tourna vers moi et s'écria : Il y aura encore du pauvre monde dans les larmes cette année. Ah, les Parisiens auront beau organiser des loteries où les peintres donneront leurs tableaux, ça ne rendra pas les deux goélettes avalées par la mer d'Islande. Attrape ! Encore 50 familles en deuil et ça continuera. Je restais saisi, et tout à coup le paysage mélancolique de Paimpol s'évoqua. Depuis plusieurs années, j'ai coutume d'assister au retour des Islandais. Partons. Je viens de voir rentrer l'Adrienne dans le port. La tour sainte de Kerok, les falaises et les petits villages qui regardent de leurs carreaux songeurs la mer grise et soupirante s'enlisaient dans la brume. La goélette s'avançait sous ses voiles fondues dans l'atmosphère laiteuse. Autour de sa ligne de flottaison, des verruquères blanches avaient tapissé la coque jadis verte. Ce pauvre navire délavé, usé, fatigué, semblait ramener avec lui le froid du nord. Sa carène évoquait un iceberg. À sa proue, des hommes effroyablement barbus criaient avec des voix trop grêles pour l'immensité du panorama. Le capitaine et le second paradaient en bras de chemise rose, fraîchement repassés. Ils n'avaient pas mis leurs vestons afin de leur éviter des taches à l'atterrissage. Quelques pêcheurs trottaient sur le pont, engauchis par leurs habits de fête, pantalons raides et casquettes à visière d'un pied. Dame, les Paimpolaises allaient se porter sur les jetées, et il convenait de bien marquer. À côté de moi, sur le quai, une douzaine de Bretonnes, couvertes de pèlerines en peau de mouton noir, jouant l'astrakhan et portant la gracieuse coiffe à queue d'hirondelle, agitaient des mouchoirs. Les plus âgées pleuraient autant d'ivresse que d'émotion, car elles avaient bu plusieurs petits cafés à l'eau-de-vie. Un bon café, cela soutient mieux que la viande. Acceptez donc un café, ma chère. Et elles arrivaient un peu troublées, un peu échauffées. C'étaient des mères. Les jeunes femmes ou les jeunes filles, fiancées ou épouses, cambrées, élégantes, souriaient avec un air d'extase aux gars qui s'agitaient sur la goélette entraînée doucement par le remorqueur. « Voilà mon homme, c'est le mien. Oh, Jean, il n'entend pas. Me voit-il ?» Debout sur le beau pré, un pêcheur en tricot rouge, immobile comme une figure de proue, hurla lorsqu'il fut à distance. « 33 000 !»« Ah, misère !» s'exclamèrent toutes les Bretonnes, et leurs yeux clairs s'assombrirent. L'homme avait entendu et il écarta les bras d'un air fatal. Des Paimpolais s'étaient joints à nous et ils discutaient le chiffre. « 33 000 morues, disait une vieille femme au profil sauvagement accusé. Alors, qu'est-ce que nous allons devenir ? Au cours actuel de Fécamp et de Bordeaux, déclara un douanier, la part d'un homme ne montera pas à plus de 400 francs. Parlez-moi de la saison 1909, s'écria un vieux maître au cabotage. Un second de mes camarades gagna 3 000 francs, son capitaine le double, et quelques pêcheurs allèrent toucher leurs 1 200 francs. « Eux aussi, mes amis, quel hurlement, quelle gambade ! Un violoneux racla toute la nuit sa boîte à cordes, et les jeunes gens dansèrent 3 jours, mangèrent à éclater pendant 1 semaine et burent pendant 6 mois. Voilà ce qui s'appelle mener une vraie existence de matelot. On souffre toutes les misères à Islande, mais on goûte son paradis à la maison. » « Parbleu, reprit le douanier, c'est bien pour ce motif que les Paimpolais embarquent chaque année. À terre, ce sont de vrais rentiers et ils ne se soucient guère d'aller travailler comme journaliers à 30 sous la journée. Moi, je comprends ça. »« Oh, vous, les douaniers, on vous connaît. Vous n'êtes pas forts à l'ouvrage, répartit le maître au cabotage. Et cela vous convient toujours de trouver des compagnons pour l'auberge et pour le jeu de cartes. » Des rires approuvaient cette boutade lorsqu'un gémissement rendit sérieux les plus gais. « Hélas, j'ai déjà pris à crédit du pain et de l'épicerie pour 300 francs, avouait une maman entourée de 4 enfants à caboche broussailleuse. Les armateurs de mon homme voudront-ils lui avancer de l'argent sur la prochaine campagne ? Cette malice, ne vous frappez pas la petite mère, ils ne demandent ces brigands-là qu'à verser des primes aussitôt le débarquement, afin d'obliger leurs pêcheurs à s'engager pour la future saison de pêche. « Voilà une menterie, et j'en sais quelque chose, » riposta la vieille femme. « Le patron de mon fils s'est refusé à lui remettre 200 francs de primes à valoir sur la prochaine campagne. » « Non, non, Guillaume, qui lui racontait comme ça, je ne veux pas qu'on m'accuse de spéculer sur la pauvreté de mes matelots. Tenez, voilà un billet, vous êtes un gars honnête et vous me le rendrez quand vous pourrez. mais il ne sera pas dit que vous serez l'esclave d'une poignée de monnaie. Oh, sûr, il y a du bon monde dans l'armement, prononce quelque pimpolet. C'est bien à cause de cela qu'il y a autant de fidélité sur certaines goélettes. Des marins rembarquent 20 fois avec le même capitaine, et ce sont les rues des meilleurs équipages qui marchent la main dans la main du chef aux mousses. Cependant, l'Adrienne s'engageait avec une lenteur de cortège funèbre dans le bassin, et les signaux, les appels, les interjections s'échangeaient de plus en plus vifs entre les terriens et les navigateurs. Un honorable rentier à casquette fourrée qui vit sur le port s'y intéresse et y assouvit la soif inextinguible d'aventure qu'il ne put jamais satisfaire, retira sa pipe de sa bouche gourmande, s'appuya sur sa canne et me frappa sur l'épaule afin d'attirer mon attention. « Hein ? Regardez-les. Ont-ils dû souffrir, les pauvres diables ? Lorsqu'on rapporte ces 67 000 morues comme la Jacqueline, la goélette la plus fortunée de la dernière campagne, l'homme se console de sa misère. Ça le nourrit et le défatigue de compter ses langues à 4 sous de prime lune. Ses langues ? Eh oui, ses langues de morue. Chaque fois qu'un pêcheur sort de la mer un poisson, crac ! D'un coup de son couteau, il lui coupe la langue et la comptabilité est ainsi facile. » « Vous allez comprendre, m'explique le maître au cabotage. « Tu me présentes aujourd'hui 80 langues, Marie-Joseph, dit le capitaine à son pêcheur. Tu as donc gagné 16 francs. Et les têtes, monsieur ? Ah, ces têtes, elles servent à préparer une soupe à s'en lécher le creux de la main. Tenez, moi qui vous parle, j'ai fait une campagne en Islande, voici 32 ans. Eh bien, quand je pense à ce potage, c'est à me donner envie d'y retourner. » « Oh, capitaine demi-soldier, ne blaguez donc pas !» s'écrie le rentier. « Voilà un bouillon que vous estimez moins que le tafia de Paimpol. L'un n'empêche pas l'autre !» riposte le retraité parmi les éclats de rire. L'Adrienne, abandonnée par son remorqueur, longeait avec lenteur le quai. Tout son équipage s'était porté à bâbord et silencieux, regardait la ville et les pompeuses maisons du XVIIe siècle habitées par les armateurs. Un mendiant à besace leva son bâton vers les Islandais. Ces gars-là ont des faces aussi déteintes que leur bordage. L'aspect vieillot des mâtures de l'Adrienne saisissait. Le bois en était comme osseux et les vergues formaient arête. Ce navire semblait un vieillard sans illusion et il rentrait au port nostalgique par cette matinée froide et brumeuse. Un peu plus loin, cependant, des femmes et leurs enfants, debout dans des carrioles prêtées par les paysans, attendent leurs époux et leurs pères. Bientôt, j'assiste au déballage du baluchon de chaque pêcheur. Son suroît verni et écailleux paraît un grand poisson plat qu'on jette dans le char à banc. Des sabots cloutés, transformés en bottes au moyen de houseaux de cuir, sont lancés sur le ciré. Voici un paquet de flétans cristallisés dans le sel. « Envoyez l'âne !» crie une femme, car c'est ainsi qu'on désigne ce genre de fausse morue. Un jeune garçon passe son doigt mouillé de salive sur leur queue et goûte. En route, le bidet à gros ventre et pattes poilues emmène l'Islandais qui se laisse conduire vers la douceur de ses chaumières, dont on voit les fumées monter dans l'air calme comme des oriflammes. C'est ainsi que les villages se pavoisent d'eux-mêmes en l'honneur des arrivants. Ces fumées triomphales annoncent que les pêcheurs mangeront chaud et sainement. Adieu la petite cambuse, sorte de caisse mal arrimée sur le pont et qu'un coup de mer emporte parfois avec le mousse cuisinier occupé à la préparation de la fameuse soupe aux têtes de morue. Voilà qu'on arrive à Ploubalanec, à Kériti ou à Port-Séven, et ma foi, au passage, on tire son bonnet et on jette un regard sur les extraordinaires cimetières à la mémoire des disparus. Cette année, une 50aine de nouveaux cartouches seront fixées au mur, à la mémoire de « Disparus à Islande ». Mais voici la chaumière accueillante, ou la maisonnette en granit rose. Le pêcheur saute de la carriole et s'arrête émerveillé devant son pittoresque intérieur qui représente pour lui le grand luxe comparativement au poste d'équipage, avec ses rudes couchettes de bois sur lesquelles chaque homme étend sa paillasse. Le buffet vaisselier à fuseaux garni d'assiettes imagées de Locmaria, l'horloge à balancier, le garde-manger sculpté à l'ancienne mode et enjolivé de coques et de fleurettes, le banc de foyer où il tiendra désormais ses quarts dans la tiédeur des braises, le vaste lit clos à rosaces fuselées, Tout l'enchante, et s'il met le nez à la fenêtre, il aperçoit sa chère campagne bretonne, dorée et violette sous ses ajoncs et sa bruyère. Allons, la bourgeoise, un litre de bouchée pour fêter mon arrivée. Très empressée, la bourgeoise va chercher au cellier la bouteille de vieux cidre qui part avec la force d'un grand mousseux. La vieille grand-mère, avec son profil si caractérisé de casse-noisette, la mère de la jeune femme, grave et silencieuse, car elle songe en ce jour au père d'Usambert, son oncle, son frère, l'épouse du pêcheur, rose de plaisir et troublée comme une fiancée, des sœurs et des enfants, entourent l'arrivant. Lui-même fait une triste remarque. Les femmes de la famille sont au complet, mais les hommes, bah, pas vrai. Par la mer ou par la terre, on se rejoint un jour et... de l'autre côté, on se reverra tous, à la santé des présents et des autres. Quand il a bu, l'Islandais sort de ses bagages un bois fourchu grand comme la main et le suspend à la muraille parmi des souvenirs de navigation, lithographie de navires, armes sauvages. « Père, qu'est-ce que tu accroches là ?» questionne un garçonnet. « Mon gars, c'est le mec avec lequel j'ai pêché cette saison. » La ligne de fond avec son plomb et son avançon de chanvre glisse là-dessus, et lorsqu'on retire la morue, c'est encore sur cette petite fourchette que frotte le filin. Par Notre-Dame de Père-Ossamon, je ne suis pas superstitieux, n'empêche que le bois coupé par moi auprès de la chapelle me porte toujours bonheur. Ainsi, cette saison, je toucherai aux 1000 pêchés 150 francs de plus que les camarades. Ce brin de fagot vaut bien, je suppose, qu'on le garde en souvenir. « Papa, combien as-tu allé de morue sur le mec les bons jours ?» demande encore l'enfant. « 130, et comme ce sont de rudes poissons qui font une belle défense, je te le jure, mon polisson, j'avais les bras coupés après ces 16 heures de pêche à la gelée. Seulement, vois-tu, nous avions à bord un mousse, Yvon, qui nous apportait une pleine chaudière de café à l'eau-de-vie, et nous ressuscitions. N'empêche qu'une fois, ce coquin laissa tomber 5 paires de mitaines trempées dans le sang de morue. Pouah ! Malgré qu'on fût en appétit, ce jour-là, on ne put prendre son café. « Dis-moi, père, c'est-il vrai que le biscuit qu'on vous donne à manger marche quelquefois tout seul jusqu'à la soupière ?»« Oui, mon gros, lorsque le temps est humide. Tu verras cela. Tu verras aussi le jour pendant 3 mois. Mais lorsque cette année, le 10 août, nous avons aperçu la première étoile, nous avons tous poussé un cri et les équipages des 60 goélettes ont répondu. » Ah, je t'assure que ce fut une belle clameur sur la mer, et le plus sourd des poissons a dû se réjouir. Notre hurlement signifiait « Tiens, les pêcheurs vont partir et nous laisser vivre en paix. Bon voyage, les Bretons, et ne revenez pas, mais on reviendra tout de même. » « Moi aussi, dans 3 ans, je partirai avec toi, père. Je veux voir Islande. » « Ça ne vaut pas un pol, mon petit gars, » répond doucement le matelot. « Mais il faut vivre. » « On vivra. » déclare le jeune garçon en tapant le sol de ses sabots.